Audiomatique. La transmission 221 d'Audiomatique était introduite par l'artiste britannique Tricky, accompagné par la chanteuse Martina Topley-Bird, qui nous interprétait la chanson Bad Dream, qui est en fait une reprise d'une pièce du rappeur américain Chill Rob G. On retrouve cette chanson sur le deuxième album de Tricky, Pre-Millennium Tension. À Audiomatique, tout ce qui compte s'évoque grâce à un terme, soit celui de son. Le son est un concept qui se définit comme un mouvement vibratoire périodique ou quasi-périodique, simple ou composée, de fréquences fondamentales et de timbres déterminés. L'émission d'un son consiste en une perturbation dans la pression, la contrainte, le déplacement ou la vitesse des ondes matérielles qui se propagent ensemble ou isolément dans un milieu élastique. Dans sa finalité, le son provoque une sensation auditive. Le son est donc une texture de l'environnement et pour les sonoristes qui animent les transmissions d'audiomatique, la musique est une super juxtaposition de textures sonores organiques, acoustiques ou synthétiques qui génèrent des compositions musicales. Thank you. La séquence de trois pièces se terminait sur la composition This Cat All Prepared One Mix 13 du projet Aphex Twin. Il s'agit d'une pièce basée uniquement sur des sons acoustiques traités et par la suite assemblés grâce à des outils numériques, d'où le titre de l'album duquel elle est tirée, soit Computer Controlled Acoustic Instrument Part 2. Avant Aphex Twin, vous aurez peut-être reconnu l'artiste Polly Jean Harvey, ou si vous aimez mieux, P.G. Harvey, et sa pièce The Orange Monkey, se retrouvant sur son plus récent album The Hope 6 Demolition Project, sorti en 2016. Et on amorçait la séquence sur la musique de Pharoah Sanders, soit la pièce Astral Traveling, parue sur l'album Tembi, publié en 1971. Audiomatique se poursuit maintenant avec un des standards du jazz signé Dave Brubeck. Thank you. Thank you. Nous entendions à Audiomatic le défunt groupe américain The God Machine, qui a existé pendant la première moitié des années 90. Il nous offrait la pièce It's All Over, extraite de leur premier album Scenes from the Second Story. Le leader du groupe, Robin Proper Shepherd, œuvre depuis 1995 au sein de la formation Sophia. Et pour débuter ce bloc musical, nous avions droit à Dave Brubeck Quartet et leur célèbre composition Blue Rondo à la Turk, tirée du non moins célèbre album Time Out, lancé en 1959. Sur cet album, Dave Brubeck souhaitait expérimenter avec des signatures rythmiques inhabituelles dans le jazz. À Audiomatic, allons-y maintenant avec une pièce de l'artiste français Axel Rigaud. à Audiomatique, l'artiste Jan Jelinek nous offrait sa version de la pièce Maïs, composée à l'origine par Murkoff. Son Der Abschied von Dawson City Mix de la pièce Maïs se retrouve sur l'album Utopia de Murkoff. Et avant cela, c'était Axel Rigaud qui nous proposait sa composition intitulée Perception, étirée de son premier et tout nouvel album Transformation. En guise de conclusion à cette transmission 2-2-1, nous vous présenterons le groupe britannique Juno Reactor avec leur composition Rotor Blade, parue sur leur troisième album Beyond the Infinite. Les sonoristes vous invitent à consulter leur profil mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-cfou. Sur ces plateformes numériques, vous pourrez avoir accès aux archives d'Audiomatique. Pour vivre en direct les transmissions d'Audiomatique, et plus spécifiquement la transmission 222, il s'agit tout simplement de syntoniser le 89,1 FM mercredi prochain, dès 17h. Voici Juno Reactor, et la pièce Rotor Blade. C'était Audiomatique, avec les sonoristes. Thank you. sound.